pas vraiment le choix. Percé, bien suspect, plutôt insatisfait. En quête de prophète, ou recherche d'interprète. Extrême, les passions se déchaînent. Sectaire, comment s'en défaire? Attitude plombée de certitude. Ensuite, quelle sera la suite? Cours hors des clous, détour par Katmandou. J'ai un mal à te croire, comme tu caches ta joie. Kamikaze, mauvaise phase, où chercher la case? Al-Qaïdi, Al-Qaïda, perdu dans les bois. Extrême, les passions se déchaînent. Sectaire, comment s'en défaire? As-tu tombé de certitude? Ensuite, quelle sera la suite? Chotel évangéliste, blog scientologue, débrancher le monologue. As-tu crédule? Comment éclater la bulle? Ultra, je ne sais quoi. Couvrez-moi cette burqa. Extrême, les passions se déchaînent. Sectaire, comment s'en défaire? Attitude plombée de certitude. En fuite, quelle sera la suite?